Selon Yonhap News de la Corée du Sud, le comité de mesure contre la nouvelle disposition des troupiers américains constitués des habitants de la ville de Tongdeutseon a publié le 14 juillet une déclaration devant la mairie. La déclaration a condamné que lors de la conférence de presse, le 11 courant, le commandant de la 8e armée américaine en Corée du Sud a déclaré laisser à Tongdeutseon la 210e brigade d'artillerie jusqu'en 2020, puisque la capacité des armées sud-coréennes de riposte au combat à canon n'est pas encore améliorée.